éteint, la lune m'a traité. Plein d'un coup de pouce pour m'arrêter. Des flammes sur mon chemin, mes yeux cachent un cimetière. Oublié hier pour enterrer demain. Le malheur même, j'ai l'amour qui crame. Seule madame courage prend sa place dans mes drames. Triste est la surface, sombre est l'intérieur. Vivre les cauchemars, les rêves restent inférieurs. Dans la gueule du loup, dans la cage du lion. Ni force pour m'en sortir, ni partage d'union. Soit je pardonne personne, j'ai les yeux rougis. Croisé un démon qui a soufflé ma bougie. Réveille pas l'autre en moi, va pas le faire rager. Dans une rue du 9-3 d'un quartier d'Alger. Je connais plus personne, ce soir j'ai 15 ans. Rien à branler comme de mon premier passant. Le ciel me regarde, les étoiles se moquent. J'ai la vengeance des rues, le regard des blancs. Et rien ne va plus, les jeux sont faits dans les chambres. Pas un seul chat pour m'aider, ça à l'exemple. L'une détruit mes nuits, l'autre qui tue le sommeil. Ce soir c'est fini, je verrai plus le soleil. Fiatso, fiatso. Laissez-moi tranquille. Ce soir j'ai pris ma dame collage. Laissez-moi tranquille. Ce soir j'ai pris ma dame collage. Laissez-moi mourir. Après tout ce que j'ai vu à mon âge. Laissez-moi souffrir. La vie a pris mon cœur en otage. Laissez-moi tranquille. Ce soir j'ai pris ma dame collage. Laissez-moi tranquille. Ce soir j'ai pris ma dame collage. Laissez-moi mourir. Après tout ce que j'ai vu à mon âge. Que j'ai rien senti quand tu m'as planté dans le dos. 10 ans de prison dans les mains. Demande à Youssef Ali ce qui se passe à la cave. Me demande pas si ça va. Demande-moi si aujourd'hui aussi ça va pas. Le lino ta ramlèche. C'est l'enfant et c'est la rabra et ma dame courage. Voilà que mon cousin est venu à la nage. Marcher sans crédit, Paris, Babas. La yalham, le frère, mon pour la survie. Algérie, Tunisie, Afrique, Maroc. On est ma pas mort en plus, nous. On a été mis à sang dans du sang, nous. Je sais pas qu'est-ce que je suis venu faire là.